En 1612, Honoré II Grimaldi abandonne le titre de seigneur pour se monarchiser sa dynastie et adopter par lui-même le titre de prince. En 1633, la chancellerie espagnole, qui est à l'époque la puissance protectrice de Monaco, reconnaît ce titre. Et en 1641, pour mieux affirmer cette souveraineté naissante, la principauté de Monaco se détache de son protecteur espagnol devenu encombrant, en se plaçant sous la protection plus bienveillante du roi de France qui garantit la souveraineté de Monaco. La réussite de cette stratégie de reconnaissance monarchique culmine en 1688 lorsque le rang de prince étranger est reconnu au Grimaldi à la cour de France. Au XVIIIe siècle, du fait de la substitution dynastique, car en 1715, la dernière Grimaldi épouse un Matignon pour assurer la succession, Matignon qui prend le nom et les armes des Grimaldi, et bien au XVIIIe siècle, les princes de Monaco se heurtent à de nombreuses difficultés de reconnaissance. Les pratiques culturelles de distinction monarchique s'avèrent donc d'autant plus indispensables comme substitut aux moyens politiques. Dès leur monarchisation, les Grimaldi adoptent par mimétisme le mécénat comme pratique d'intégration en réunissant des collections d'art et en protégeant des artistes. Devenant familiers de la cour de France, essaient-ils d'imiter le patronage royal des savants. C'est presque improbable, considérant une souveraineté de quelques arpents, de quelques milliers de sujets, à l'époque, même si la principauté est plus grande qu'aujourd'hui, puisqu'elle compte trois communautés, Monaco, Roquebrune et Menton, où le prince de Monaco a une maison de plaisance, le palais de Carnolès. Comment donc cette principauté pourrait-elle être un foyer scientifique et attirer des savants, des hommes de science, soucieux de légitimation, donc soucieux de se placer dans une constellation de civilité autour d'un prince puissant? En réalité, dès le milieu du XVIIe siècle, le prince de Monaco est reconnu comme protecteur de la science et des savants, même si la culture des Grimaldi reste longtemps plus une culture de la curiosité qu'une véritable culture scientifique. Il faut attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour qu'un recours systématique aux gens de science, d'une science appliquée et utile, soit pratiqué par les souverains de Monaco. Pour mesurer cette intensité protectrice des savants, la dédicace, miroir du prince, est un bon marqueur, puisque le prince, comme inspirateur primordial, voit ainsi louer son inclination particulière, réelle ou supposée, pour un domaine d'étude. C'est une manière évidemment de capter la bienveillance du prince, capable d'accorder en retour, selon le système du don et du contre-don, par un geste de mécénat, protection et encouragement. Alors évidemment, les dédicaces d'ouvrages de poésie, de chansons à visée hagiographique sont beaucoup plus fréquentes que les dédicaces d'ordre scientifique ou technique. Néanmoins, dès 1633, donc l'année même où le titre princier est reconnu par la chancellerie espagnole, un chirurgien originaire de Monaco exerçant à Gênes, Giovanni Francesco Mono, dédie un art de la vraie navigation, un portulan de la Méditerranée, à son souverain, le désormais prince Honoré II. L'ouvrage reste néanmoins manuscrit, preuve peut-être de l'inaboutissement ou du refus de patronage, même pour un sujet. En revanche, plus intéressant, plus révélateur, est l'ouvrage du jésuite Giovanni Battista Riccioli, astronome bolognais, qui en 1651 dédie son Almagestum Novum, qui est une sorte de compendium du savoir astronomique au milieu du XVIIe siècle, commandé par les jésuites pour évidemment réfuter le système copernicien, Galilée ayant été condamné en 1633. Et Riccioli dédie les deux tomes de son Almagestum, qui évidemment fait référence à l'Almageste de Ptolémée, au Grimaldi. Alors, aux deux personnages les plus en vue de la guinse de l'Albergo Grimaldi à l'époque, un prince de l'Église, le cardinal Grimaldi, cardinal Jérôme Grimaldi, qui est ambassadeur auprès du roi, qui est archevêque d'Aix en 1648, qui est un Grimaldi de la branche génoise, et puis un prince tout court, le prince de Monaco, l'un étant éminentissime, l'autre magnanime. Alors un personnage, évidemment, joue un rôle essentiel dans cette dédicace et ce patronage, c'est le disciple de Riccioli, Francesco Maria Grimaldi, également jésuite, Grimaldi de la branche donc bolognaise, qui coopère aux travaux de Riccioli, qui d'ailleurs est l'auteur de la carte de la Lune qui est insérée dans l'Almagestum. Il participe donc aux travaux sélénographiques de Riccioli. Et les Grimaldi de Monaco ont été en contact avec Francesco Maria Grimaldi pour l'élaboration de leur arbre généalogique imprimé en 1647 à Paris, arbre généalogique qui est destiné à, en quelque sorte, franciser la dynastie, puisqu'il s'agit d'une généalogie fabuleuse, mythique, où l'ascendant est Grimoald, maire du palais, frère de Charles Martel, donc ce qui assure un cousinage, évidemment, et une ascendance royale assez parvenue, en réalité, que sont au rang monarchique que sont les Grimaldi. Et cette généalogie, donc, eh bien, donne l'occasion au prince Honoré II de s'affirmer en chef de maison et de rétablir des relations avec les différentes branches de sa famille. La dédicace de cette Almagestum Novum comporte un grand intérêt pour le frontispice qui accompagne la dédicace au prince Honoré II. Frontispice assez connu, assez souvent commenté d'ailleurs, mais pas toujours dans le bon sens, car justement détaché du texte même de la dédicace en latin, de cette dédicace au prince Honoré II de Monaco. Ce frontispice a parfois été interprété comme crypto-copernicien. Pourquoi ? Parce qu'on y voit Astrée face au géant Argos, Astrée qui met en balance deux systèmes du monde, le système de Copernic d'un côté et le système de Tycho Brahe de l'autre, qui est effectivement, ça a été rappelé ce matin, est le système adopté par les jésuites, donc un système hybride. La balance penche du côté de Tycho Brahe et on voit donc Ptolémée qui soutient à la fois son écu personnel et qui se protège en quelque sorte protégé par l'écu des Grimaldi comme une sorte de palladium, alors même que, vous le voyez, son système a roulé à terre, donc dans le coin inférieur droit. Ptolémée qui dit en latin « Erigor dum corrigor »« Je suis élevé tandis que je suis corrigé ». Riccioli et son graveur Francesco Curti de Bologne se protège derrière l'autorité des Écritures, donc des extraits des psaumes, d'Isaïe, extraits du psaume 104, verset 5, « Elle était à jamais inébranlable, immobile ». Vous voyez donc sortir donc de la bouche d'Astrée. On peut... Et certains commentateurs l'ont fait, dire que par un effet de perspective, le système ne penche pas véritablement du côté du système de Tycho Brahe. En réalité, vous le voyez, l'aiguille de la balance penche néanmoins du côté de Tycho Brahe. Il y a d'autres indices sur la carte de la Lune, les taches, les cratères qui sont baptisés justement du nom de Grimaldi ou de Riccioli sont près du cratère qui est baptisé du nom de Galilée. Donc, en tout cas, peut-être une certaine sympathie masquée de la part de Riccioli pour Galilée et le système copernicien. En tout cas, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il érige le prince Honoré II, en quelque sorte, en juge-arbitre des systèmes du monde qui sont pesés. Ainsi le dit la dédicace traduite du latin. Que ce n'est pas à la légère que ce nouvel Almageste, c'est à toi, prince de Monaco, que j'ai voulu de préférence le dédier et le recommander. Il conviendrait qu'un système du monde et toute la charge de cette controverse soit portée par l'autorité de ce grand prince, parce qu'il porte la succession d'Hercule. Hercule, que l'on dit qu'Atlas s'est déchargé sur ses épaules de tout le ciel et du fardeau de la sphère terrestre. Or, Hercule est le fondateur mythique de Monaco, puisque le nom de Monaco, sous l'Antiquité, est Portus Herculis Monoeci, donc le port d'Hercule, l'unique, le grand. Et c'est en tant que héritier, successeur en quelque sorte d'Hercule à Monaco, et en tant que héritier d'une lignée donc prestigieuse que l'on dit de sang royal et saint, évidemment les saints Pépinides, donc Arnoux, Bavon, Sévère, Gertrude, etc., et de deux générations à qui l'on prête donc des qualités au XVIe siècle, de mécène des arts et des sciences, le grand-père de Honoré II, également Honoré, et le père d'Honoré II, Hercule, instruit dans tout genre de sciences, il fut appelé, nous dit Riccioli, le mécène de son siècle. Quant à toi, Honoré, tu as cherché à rivaliser avec l'antique Hercule, non seulement par tes autres facultés, mais aussi par ton intérêt pour la mathématique et la science de la sphère terrestre. Et il conclut en disant que c'est assurément pour ces raisons que tu as été recherché non seulement par d'autres écrivains pour être leur mécène, mais aussi par moi, pour que, quelle qu'elle soit, tu te comportes en Hercule pour protéger mon œuvre et en honorer pour lui donner du lustre par le nom même consacré sa renommée. Je vous l'ai dit, dédicaces techniques ou scientifiques restent malgré tout relativement rares pour les princes de Monaco. Un autre exemple, il y a une apologie pour les prêtres médecins au début du XVIIIe siècle. Un autre exemple iconographique, une dédicace agronomique en 1786 de la part d'un membre de la Société physique et économique de Zurich, le prolixe Red Planasu, qui... Parmi les autres dédicataires, Louis XVI, le duc d'Aumont, eh bien, figure le prince héréditaire Honoré Charles Maurice de Grimaldi. Alors, longtemps, la culture des Grimaldi reste une culture de la curiosité. En effet, les Grimaldi constituent ces fameuses chambres des merveilles, Wunderkammer, où le prodigieux, le singulier, l'insolite, le rare, l'admirable sont conservés. Les voyageurs qui visitent le rocher au XVIIe et XVIIIe siècle sont les témoins de ces merveilles, de ces curiosités, qui sont en quelque sorte pour les princes de Monaco des substituts de régalia, évidemment qui ne sont pas présents puisque la dynastie est récente. Et par exemple, Jean-Baptiste Tavernier, baron d'Aubonne, en 1664, est reçu par la princesse en l'absence du prince et commande qu'on me fît voir la place et ce qu'il y a de plus rare dans le cabinet du prince. Il y a quantité de beaux tableaux, mais entre autres gentillesses et pièces rares, il y a deux morceaux de cristal, plus gros chacun que les deux poings, en l'un desquels il y a près d'un verre d'eau dans le milieu et dans l'autre de la mousse, ce qui s'y est naturellement enfermé lorsque le cristal s'est congelé, et ces deux pièces sont fort curieuses. D'ailleurs, s'appuyant sur Tavernier, Buffon évoquera ces deux pièces tout en émettant quelques doutes sur la véracité, sur l'acuité de la vision de Tavernier. Quelques années plus tard, un parlementaire aixois, accompagné d'un gentilhomme d'un autre gentilhomme provençal, remarque également les curiosités, les raretés et curiosités de l'art et de la nature de toutes les façons, des grosses pièces de cristal qui sont au palais de Monaco. En 1717, le voyageur, dramaturge Guillaume Merville, a un regard un petit peu différent. Le regard change, puisque quand il voit la bibliothèque, il remarque, lui non plus, les curiosités, mais un grand nombre d'anciens manuscrits fort curieux, comme de plusieurs instruments de géométrie. Est-ce à dire que les princes sont devenus véritablement des princes savants et praticiens ? En 1719, Antoine Ier reçoit le jésuite astronome Antoine Laval, qui est professeur de mathématiques auprès des gardes de la marine à Toulon, et qui vient à Monaco et Menton pour corriger la carte de la côte de Provence. Et c'est à la demande du prince de Monaco, monsieur le prince de Monaco ayant souhaité que nous l'allions voir à Menton, que le 15 septembre 1719, Antoine Laval fait l'expérience, en présence de Madame la Princesse, fait l'expérience du baromètre dans le château de Monsieur le Prince de Monaco, qui est élevé dans l'endroit où nous observions de Ditoise au-dessus du niveau de la mer. Cette culture scientifique qui semble l'emporter sur la culture de la curiosité avec Antoine Ier reste malgré tout limitée et un peu datée, peu au goût du jour si l'on en croit la composition de la bibliothèque du palais à la mort d'Antoine Ier en 1731. En effet, sur les 70 volumes scientifiques, eh bien, dominent les noms de savants antiques, Ptolémée, Euclide, Cels, Galien, du Moyen-Âge, Giordano de Nemi, par exemple, Guido Bonatti, ou de la charnière entre Moyen-Âge et Renaissance, comme Johannes Müller von Königsberg, Regio Montanus, comme Nicolas Krebs, Nicolas de Cuse, ou Johann Stoeffler, ou encore le mathématicien et cartographe français Horace Finn. Pour le XVIIe siècle, figurent uniquement Jean-Dominique Cassini, Johannes Fossilides Olwarda, ou le tchèque Chirleus de Reta, et puis deux exemplaires, évidemment, de l'Almagestum de Jean-Baptiste Riccioli, mais évidemment, il s'agit là plus d'un ouvrage finalement de gloire à la gloire de la dynastie Grimaldi. Donc une bibliothèque qui ne reflète pas véritablement les grands débats scientifiques du XVIIe, ni le foisonnement éditorial académique de la fin du grand siècle. D'ailleurs, le gendre d'Antoine Ier, puisqu'on est là à la charnière donc entre Grimaldi et Grimaldi Matignon, eh bien, lui, en tant que qu'amateur, collectionneur, grâce à Catherine Armingeon, on pourra l'été prochain au Grimaldi Forum voir l'évocation donc de la figure d'amateur d'art de Jacques Ier, donc une exposition consacrée aux faces et aux grandeurs des cours d'Europe. En Jacques Ier collectionne à peu près tout, les monnaies, les médailles, l'orfèvrerie, les bijoux, les livres, les marbres, les bronzes, les tapisseries, les meubles, les porcelaines, avec une dilection particulière malgré tout, où là on peut en faire un amateur au sens du XVIIIe siècle, pour les tableaux. Eh bien, il achète aussi, mais est-ce véritablement significatif d'un esprit scientifique, les 6 et 7 avril 1745, des objets de mécanique et de physique pour plus de 432 livres à la vente de la collection du trésorier des États du Languedoc, Joseph Bonnier de Lamosson, organisé par le marchand d'art Gersin. On voit que là, il s'agit plus d'une collection, finalement, d'une collectionmanie multiforme, polymatique, plus fille de la Renaissance que des Lumières, ce qui tend à faire de Jacques Ier un simple curieux au sens de Christophe Pomian, plutôt qu'un prince, évidemment, savant et praticien. Les princes de Monaco reçoivent néanmoins, durant tout le XVIIIe siècle, une éducation soignée par des précepteurs souvent choisis au sein du milieu académique, en témoigne par exemple l'abbé Béranger, académicien marseillais, et ils ont constamment, même quand ils vont au collège, chez les jésuites, des maîtres de mathématiques, donc à chaque génération, parfois d'ailleurs, donc qui sont auteurs, par exemple comme l'abbé Barbeau, pour le futur Honoré IV, d'une analyse des sciences, donc auteur d'ouvrages. Mais c'est évidemment des mathématiques qui tendent vers l'art de la guerre, vers l'art des fortifications, qui sont les vocations évidemment premières de ces princes qui sont des princes soldats qui à chaque génération sont dans les armées du roi. À la fin du XVIIIe siècle, il y a quand même la figure de Cuvier, qu'on a longtemps fait passer pour le gouverneur du futur prince Honoré V, le docteur Deschamps, maire de Torigny-sur-Vire, ami d'Honoré V, témoin de ses expériences philanthropiques sous la monarchie de Juillet, rapporte que le prince Honoré V eut pour gouverneur dans sa jeunesse l'illustre et savant Cuvier, avec lequel il habita pendant les années qui s'écoulèrent de 1791 à 1794. En réalité, si l'on croit l'autobiographie de Cuvier, conservée à la bibliothèque de l'Institut, il y a bien eu évidemment une fréquentation. Lorsque Cuvier évoque donc ces personnages qui seraient à coup sûr devenus à Paris victimes de la rage, de la terreur, de la rage dominante, et qui trouvèrent asile donc dans cette Normandie à la fois haute et basse. Tel fut le jeune prince, dit Cuvier, de Honoré de Monaco, aujourd'hui pair de France, il parle sous la Restauration, qui se lia avec nous de société ainsi que son précepteur, un monsieur Duchemin, homme fort instruit qui avait beaucoup vécu avec des membres de l'université de Paris. Donc, ils sont relativement proches au point que le prince de Monaco, Honoré III, le grand-père d'Honoré V, lorsque Cuvier arrive à Paris en mars 1795, eh bien, le prince de Monaco, en son hôtel de Matignon, loge le Cuvier avec le jeune Achille Déricy qui lui est l'élève de Cuvier et qui est un ami effectivement du jeune prince Honoré de Monaco. On voit à la fin du XVIIIe siècle apparaître une sociabilité scientifique comme pratique de distinction chez les princes de Monaco. Honoré III, en effet, on le sait par Emmanuel de Croy, assiste par exemple en 1767 à deux lithologisations très curieuses du côté d'Issy et l'autre du côté d'Arcueil. La lithologisation est simplement une course pour ramasser et examiner des pierres. On sait aussi qu'Honoré III va suivre des expériences de physique en 1784 à la salle des concerts des Tuileries. Et évidemment, il n'est pas indifférent à la fièvre mesmérienne de 1785 que l'on a évoquée ce matin. Son épouse, en revanche, peut-être témoigne d'une véritable culture scientifique. Son épouse dont il se sépare en 1770, puisqu'elle est la maîtresse du prince de Condé. Alors, évidemment, c'est peut-être la fréquentation du prince de Condé et du cabinet scientifique de Chantilly qui fait d'elle une curieuse, une amatrice de sciences et arts, puisque dans la bibliothèque des dames, véritable encyclopédie féminine comprenant toutes les branches des connaissances humaines mises à la portée des femmes du monde, eh bien 38% de cette bibliothèque des dames qu'elle forme, donc pour les jeunes femmes de la noblesse, eh bien 38% sont consacrés aux sciences et arts, 4 volumes pour la physique générale, 2 pour la botanique, 1 pour la physique de l'homme, 2 pour la physique de la femme, 2 pour l'économie rurale, 2 pour l'arithmétique, 2 pour la musique, 1 pour la chimie, 1 pour l'astronomie, 1 pour la médecine domestique et 1 pour l'algèbre. La bibliothèque de son fils, duc de Valentinois, à l'époque, donc prince héréditaire, inventoriée en 1785, quant à elle, témoigne d'un pourcentage relativement conforme à ce que l'on voit ailleurs, c'est-à-dire 14% pour les sciences et arts, c'est ce qu'a trouvé Michel Ollion, par exemple, pour les bibliothèques de la noblesse parisienne, Dominique Vary pour les bibliothèques castrales normandes, c'est un peu moins de ce qu'a trouvé Michel Figeac pour les bibliothèques de la noblesse bordelaise, et c'est à peu près l'équivalent de ce que l'homme du Cheval des Lumières, Voyer d'Argenson, a dans sa bibliothèque. Mais on voit que c'est une bibliothèque qui est récente, vous le voyez, puisque les ouvrages donc publiés après 1750 sont très largement dominants, et en particulier dans le domaine des sciences et des arts, où on retrouve les noms de Bailly, de l'abbé Nollet, évidemment, de l'abbé Pluche, de Buffon, de Christophe Valmont de Beaumard, de Réaumur, du révérend père Engramel, par exemple, ou dans le domaine de l'hypiatrique, de la Guérinière, ou dans le domaine de l'agronomie, de l'agriculture, du Hamel de Monceau, l'abbé Rosier, la Chaînée des Bois, ou l'abbé Boissier de Sauvage. Alors, est-ce que cette curiosité savante puis scientifique a eu une intensité suffisante pour créer l'impulsion et à, être à l'origine d'un foyer scientifique, d'une nébuleuse, d'une constellation autour du prince ? À Monaco, 3 milieux peuvent constituer des embryons foyer scientifique. Les médecins du prince, tout d'abord. Au XVIIe siècle, Bernardino Tiberti, qui d'ailleurs obtient une charge de médecin ordinaire du roi en 1647, est intégré dans les milieux académiques de Vintimille. Il fréquente assidûment la bibliothèque aprosienne à Vintimille, donc de l'Augustin Louis Aprosio. Il fréquente aussi, évidemment, toute proportion gardée, on peut imaginer ce que pouvait être une académie à Sospel, donc dans l'arrière-pays, entre Monaco et Menton, une académie, l'académie des Intrecciati, puis l'académie des Mendici, des Mendiants, et ces académiciens, essentiellement plutôt philosophes, juristes, sont quand même convoqués lors des funérailles d'Honoré II comme témoins et reflets du mécénat scientifique du prince défunt. On a par exemple un professeur de sciences, d'après la relation des funérailles du prince Honoré II, de Nice, Pierre-André Trinquiero. Autre médecin qui développe et s'intègre dans un réseau académique, scientifique, c'est Hyacinthe Pena qui fait ses études à Montpellier à partir de 1709 et qui entretient une correspondance médicale avec son ancien condisciple, l'encyclopédiste Jean Bouillet, donc académicien biterrois, correspondant de la Société royale de médecine de Paris. Et par exemple, donc il fait même publier, Bouillet fait publier une lettre écrite à Monsieur Pena, premier médecin de son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince de Monaco en 1727, qui a pour sujet la rhubarbe et les vertus purgatives de la rhubarbe. Donc, une ébauche de réseau académique, mais très ténue, qui montre bien que Monaco est une marge dans l'Europe des circulations savantes. Il n'y a guère que la botanique qui, parce que les princes, justement, dans leur jardin, veulent rassembler des espèces rares qui sont remarquées par les voyageurs savants. Par exemple, en 1667, les jardins du palais sont ornés de plantes très curieuses, dit Barbier de Mercurole, avec des compartiments de myrte et des espaliers de citronniers d'écorce fine, d'oranger de Portugal et de la Chine. Jean-Baptiste Lamarque, en garnison à Monaco, puisque pendant donc la période de, à partir de 1641 de protectorat espagnol, eh bien, il y a donc une garnison française, et Jean-Baptiste Lamarque, en 1763-1764, eh bien, est en garnison à Monaco. Et c'est là, donc c'est une figure exogène, bien sûr, où, si l'on en croit Cuvier, mais était-ce de la part de Cuvier un petit coup de chapeau à son pseudo ancien élève, Lamarque nous dit en 1832, dans l'éloge qu'il fait à l'Académie des sciences de Lamarque, pendant son séjour à Monaco, la végétation singulière de cette contrée rocailleuse avait fixé son attention et le traité des plantes usuelles de Chaumel, tombé par hasard dans ses mains, lui avait donné quelques teintures de botanique. Alors on peut penser que Lamarque a trouvé un terrain favorable sur le rocher en la personne du curé Lanciaret, qui botanise, herborise à la fin du XVIIIe siècle. Son frère est apothicaire, il connaît les variétés, les décrit scientifiquement et demande souvent au prince de rapporter de Paris des graines. Il a l'ambition de faire une parfaite botanique à Monaco, mais récuse cependant l'appellation de philosophe botaniste. Alors, on le voit, si Monaco donc est resté un foyer très marginal, eh bien, à la fin du XVIIIe siècle, malgré tout, les princes recourent à des hommes de science au service du bon gouvernement et au service de la valorisation des domaines. C'est le cas pour la sériciculture, où des mémoires sont commandés à des hommes de la pratique ou de la science dans le Languedoc, dans le Dauphiné, évidemment. En Normandie, où les princes de Monaco, héritage des Matignons, ont des terres, l'intérêt agronomique est conjugué à la passion pour le cheval, et Honoré III, de façon précoce, fait venir des chevaux à la fin de la guerre de Sept Ans, des chevaux anglais, et essaie de constituer un haras à l'anglaise, qui est salué, mais salué en partie seulement par Voyer d'Argenson, qui dit que des productions équivoques, belles si l'on veut, mais toujours insuffisantes, sont pour produire sans corrompre, donc dans ce haras de Torigny en Normandie, donc entre Vire et Saint-Lô. Cette anglomanie des princes de Monaco les porte aussi à faire appel à un agronome anglais qui arrive en 1790. Ils font appel à un agronome George Green, qui d'ailleurs a laissé un volume de souvenirs sur les usages ruraux et les mœurs du Saint-Lois, où il dit que le prince Honoré III, aimant l'agriculture, était persuadé que notre gestion des affaires rurales est de loin supérieure à celle des Normands. Et c'est pour cela qu'il a cherché quelqu'un qui puisse allier la pratique de l'agriculture et une connaissance suffisante de la langue française. Pour terminer et revenir à Monaco, le prince Honoré III, toujours, pour exploiter un filon de charbon qui avait déjà en 1728 été connu une ébauche d'exploitation, fait appel au géologue Faujas Saint-Fons, qu'il fait venir en 1786. Il demande de le bien accueillir. Il faut aussi le faire loger au palais, c'est dire donc que on attend de ce savant qui est reçu au palais qu'il soit en quelque sorte un miroir du prince quand il retourne à Paris. C'est un homme très instruit dans cette partie et il a trouvé le charbon qui lui avait été envoyé à Paris d'une très bonne qualité. Cela l'a déterminé à faire le voyage pour connaître encore mieux et mettre en valeur la mine de Roquebrune. qui donnera un grand avantage au pays. Et pendant près d'un an, Faujas de Saint-Fond entretient une correspondance technique avec le prince Honoré III sur les différentes qualités de charbon, sur les origines de ces charbons, d'autant que les espoirs du prince Honoré III ne sont pas forcément totalement comblés, et que une autre expertise d'un chirurgien, Pierre Lassus, qui passait par Monaco, lui dit qu'au contraire, que Monsieur de Faujas, quoique très savant, ne peut avoir raison en tout, et s'appuyant sur d'autres minéralogistes, sur par exemple Kronstedt de l'Académie royale de Suède, eh bien dit que l'avis de Faujas donné au prince de Monaco n'est pas forcément le bon sur la nature et la qualité de ce charbon de roque brune. Le Faujas de Saint-Fond ne désarme pas, parce que lorsqu'il revient en 1808, donc désormais la principauté de Monaco est partie intégrante du département des Alpes-Maritimes, il rappelle dans un voyage géologique de Nice à Menton et Vintimille-Eugène, publié dans les annales du Muséum d'Histoire Naturelle en 1808, que j'avais autrefois visité cette mine à l'époque où Monsieur le Prince de Monaco avait le projet de la faire exploiter, et il redit que cette mine deviendrait une véritable richesse pour le pays dépourvu de bois brûlé et tournerait à l'avantage des villes et des villages qui bordent cette côte de la mer ligurienne. Alors, en définitive, si dans le domaine du connaisseurship scientifique, les Grimaldi suivent les usages de leur temps plus qu'ils ne les précèdent, ils s'attachent à instrumentaliser les sciences et les savants, comme les arts et les artistes, à des fins de reconnaissance culturelle et de légitimation politique. Bien sûr, la démarche n'a rien d'original et de novateur si elle n'est pas rapportée à l'exiguïté et à la stratégie d'affirmation de la souveraineté de Monaco à partir de la fin du XVIIe siècle. Laboratoire mimétique des grandes cours européennes, le palais de Monaco peut ainsi être vu comme un observatoire significatif, car marginal, des rapports qu'entretiennent au XVIIe et XVIIIe siècle les princes et les savants, et un marqueur de la propagation de la culture scientifique jusque dans les petites cours des marges, des périphéries de la République des sciences européennes.